notre produit va sortir par ici. Notre fric va rentrer par là. Toute cette putain de ville sera à nous. C'est pour nos soldats, ceux qui ne rigolent pas. Mettez-vous debout! Mettez-vous debout! La Tumba! Nervu! Warrior! Tous les Warriors! Mettez-vous debout! Les Warriors! L'équipe, c'est les types officiels de la street au quartier VIP. De l'Afrique à l'Europe, on est venu vider nos tripes. Pas de blague ou la clapombe, tu ferais mieux t'écarter vite. Ma musique atterrit, arrive comme une bactérie. Elle crée les meutes, écarte des vitres. Pour ma clique, crache le bif. Que les âmes fragiles s'abritent, c'est du gros son qu'on trafique. Qui laisse une douleur dramatique, comme un coup de glace dans le pile. Comme un bolide, avec mon acolyte. On te livre un colis, dangereux comme un prolique. En force, on s'introduit pour défrayer la chronique. Mettre un bon frontier dans le rap et des gros gifs. La merde et l'air pur, ma zig sans le risque. Des fast dog pour une gueule d'homme. Dans le fond, je reste warrior, ça pue la war. Pas des noms de système, sale et la vie, je mène. Après une bonne baisse, faut le sac de ces petites chiennes. Mal et l'envie de ken, meurs que pour ceux que j'aime. Le fils traîne, donc on se crève pour un bout de rêve. T'entends cauchemar, assoiffé ton bar. Régnant tout bar, zombie libre, donc on se couche tard. Décris mon bordel comme un livre. Face à Dieu, je me livre devant vous, je ferai semblant juste de vivre. La finantise vous pousse. La gloire à la taupe, pour reste taupe. Désormais on vient stop. Consommoto, je suis qu'un de ces microbes. Obsédé par ce champ et par ce qui se cache sous vos petits trompes. Soldats, ceux qui ne rigolent pas. Warrior. Les bandits durs, ceux qui ne plaisantent pas. Warrior. Les guerriers qui n'ont pas peur d'aller au combat. Warrior. Donc respecte car sinon te loupe. Warrior. C'est pour nos soldats, ceux qui ne rigolent Warrior. Pas. Les bandits durs, ceux qui ne plaisantent Warrior. Pas. Les guerriers qui n'ont pas peur d'aller au combat. Warrior. Donc reste cool car sinon te loupe pas. Warrior. C'est dangereux.